Un pain sec, des sandales usées et un récit venu de loin. Les gabaonites viennent avec ruse, déguisés en voyageurs anciens. Sans consulter la bouche de Dieu, Israël conclut une alliance. Car même le peuple victorieux peut tomber dans la complaisance. La précipitation remplace parfois la prière. Apprends-nous à te consulter avant de dire oui trop vite, avant de signer nos promesses au rythme de nos propres limites. Apprends-nous à te consulter même quand tout semble évident. Car une alliance sans ta voix peut devenir un piège avec le temps. La tromperie est révélée plus tard, mais l'alliance ne peut être brisée. Car la parole donnée devant Dieu engage même quand elle a été piégée. Tu transformes la ruse en service, tu changes l'erreur en purification. Et ceux qui venaient par mensonge servent désormais ta maison. Apprends-nous à te consulter avant de dire oui trop vite, avant de signer nos promesses au rythme de nos propres limites. Apprends-nous à te consulter même quand tout semble évident. Car une alliance sans ta voix peut devenir un piège avec le temps. La sagesse commence dans la prière.